comment chaque jour nous réveillons dans notre cellule, enfin, oui, notre chambre, notre cellule, c'est pas trop. Et je réfléchis toujours au conseil que m'a dit l'homme, l'autre homme. Son nom t'échappe. Oui, aussi bien que dans la vraie vie. C'est le syndrome de l'oubli qui te frappe. Qui est dans la vraie vie. Bon, ce serait pas passé l'homme avec le chapeau rond. Celui avec la moustache et qui fume tout le temps. Ah, le chapeau rond. Oui, je savais pas, je savais plus s'il avait un chapeau ou pas. T'as mon chapeau. Et si j'allais voir son ami. Il pourrait peut-être nous aider, comme il pourrait empirer les choses. J'ai décidé d'en parler à mes compagnons, voir si de quel qu'est-ce qu'il voulait faire. Je ne sais pas si on devrait voir Z ou pas. Vous voudriez, vous, ou pas? J'ai pris sa drogue. Et depuis que je l'ai pris, je me sens mieux. Cela me rassure un peu. Bah. Je suis moins froid aux airs. Depuis que j'ai pris ça. Mais j'ai peur d'aller dans les couloirs. En même temps, ce serait bien. D'échapper un peu à leur surveillance. De nous trouver un peu moins sous leur emprise, ne penses-tu pas? Oui. À chaque fois que nous prenons un médicament, moi, ils m'ont donné le 105. Je ne pense pas que ce soit un anniversaire. J'ai pas dû piocher le 105 auparavant. J'ai plus les médicaments de Z. Et là, je sens l'effet du médicament qui monte en moi. Et j'ai peur. T'inquiète pas. J'ai peur de vous contaminer de mes cauchemars. Je comprends. Et je ne voudrais pas que vous souffriez de ceci. J'étais bien assez souffrir à moi, donc ça me dérangerait pas. Qu'est-ce que t'as fait de ta jambe? Pourquoi tu rigoles? Qu'est-ce que t'as fait de ta jambe? Bah rien, elle est là, t'as vu? Elle est là ma jambe. Bah, je vois ta jambe là. Mais celle-ci, qu'est-ce que t'en as fait? Bah elle est là, tu la touches, tu la sens. J'ai... L'espace d'un instant, j'ai pas vu ta jambe. Comme si tu l'avais dévorée. Est-ce que tu dévores tout ce que tu vois? Non. Enfin, je sais pas. J'ai pas envie de savoir. Et toi, t'es partant pour qu'on y aille ou... C'est comme tu veux. Ah non, je te demande à toi. Moi j'hésite, mais... Si ça te fait plaisir, on peut y aller. C'est la force du cauchemar qui contamine maintenant de ici. J'étais persuadé que tu allais me répondre tu peux pas comprendre. Et tu l'as pas dit. Heureusement. Et après, tu m'aurais dit à nouveau, tu peux pas comprendre si j'insistais. Pour finir par me dire, je l'ai mangé. Et c'est entendre dire « je l'ai mangé » qui me plongerait dans le cauchemar. Mais tu ne l'as pas dit, donc tu ne vas pas manger. Hein? Moi, je n'ai pas mangé le médicament, moi. Dis oui. Dis oui. Oui. Tu ne vas pas me manger, hein? La dernière fois que je t'ai dit ça, je sais pas. Même si j'ai pas mangé le médicament, je préfère garder mes distances avec toi. Pour éviter le pire. D'accord? Pas contre toi, hein, c'est plus contre moi. Et du coup, c'est comme tu préfères. T'es sûr? Oui. D'accord. Si ça peut te faire plaisir, on peut y aller. Oui, mais moi, c'est pas pour moi que je le fais. Je le fais pour toi, Bouton, et peut-être moi, je sais pas. De toute manière, je sais pas ce qu'il pourrait nous apporter. Tu es désireuse de rencontrer Z, dont nous a parlé l'autre? Non. Moi aussi, j'ai oublié son nom. Te souviens-tu de son nom? Attends, viens, on essaye de l'appeler. C'est pas le procureur? Non. Je sais plus. Quel nom as-tu pioché aujourd'hui, Zéro? Tu es zéro quoi? 85. 95. 85, ce serait un anniversaire. Mais je pense que c'est l'anniversaire de quelqu'un d'autre aujourd'hui. N'est-ce pas? De quoi? Ne serait-ce pas ton anniversaire, 82? Je sais pas. J'ai entendu quelque chose là-bas. Non. Il y a quelque chose qui est dans l'obscurité de la chambre. Bah, c'est peut-être l'autre. Mais après, il faut appeler peut-être pour qu'il nous renseigne. Il surgit de l'obscur comme ça, tout à trac. C'est peut-être parce qu'on a oublié son nom. C'est toi là, tu sais. Il s'incruste comme ça. Un écureuil. Un écureuil, mon dieu. Avec des cornes, oh mon dieu. L'écureuil corné. De glace. Cornu? Cornu, corné? Attends, il faut trouver un nom à cette nouvelle espèce. Cornée, qu'est-ce que c'est la cornée? C'est pas une histoire dieu? Non. Cornée. Moi, j'ai plus de cornée. Oui, mais t'as eu une deuxième. Comme quoi les murs avaient des yeux. Je crois. Non, je le dis. Non, que les oiseaux avaient. Pas des quatre ailes, c'est tout. C'est ça que je lui ai dit. Arrête de sniffer, toi. Avec ta dent, là. Oui, c'est ça. Avec ta petite dent. Petite canine. Alors. Écureuil. Corné. Non. Cornet de glace. Et puis d'abord, c'est un Timmy. Timmy. Timmy, Timmy. J'ai pas un cornet. Timmy, Timmy. J'ai même pas un cornet de glace. Et je vais le dire au corbeau. Je vais le dire au corbeau. Mais le corbeau, il est pas là. Qui c'est le corbeau? On va où? On va où? On va où? On va où? On va où? On va où? On va où? Tais-toi, ok? S'il te plaît. Tais-toi. Merci. Merci. C'est gentil d'avoir invité. Pourquoi le corbeau il s'est envolé? Pourquoi le parc il s'est envolé? Parce que la navette marche dedans. Pardon? Oui. Excuse-moi, c'est la... Mais si tu cries, là, couloir, on va se faire repérer par les blouses blanches alors qu'on n'a pas le droit d'aller n'importe où dans les couloirs, je crois. Bah, au pire, on va voir des personnes qui pourraient se rebeller comme ça, on fait une mutinerie. Pas du tout, pas du tout. De toute façon, il y a des gens super dangereux qui pourraient les aider à sortir. Quoi? J'ai faim. Bah, mange. Tais-toi, la nana, t'as dit ça, c'était pas bien. Alors, va dans la cantine, il y a plein de soupes. Mais on n'est pas dans la cantine ici? Non. Là, t'es dans notre chambre. Oh, mais je croyais que c'était... On l'accompagne à la cantine. Est-ce qu'on est obligé? J'ai faim. J'ai peur qu'il se perde. Oui, mais c'est pas grave, on se fiche de lui. T'as dit quoi, là? J'ai dit... Ah oui, t'as raison, il faut l'accompagner. C'est qui, toi? Excuse-moi, c'est ma deuxième personne qui a parlé. Et puis d'abord, c'est qui lui? Elle pourrait contrarier, hein, parce qu'elle pourrait être mangée. C'est qui lui? Elle pourrait c'est ton jumeau maléfique. Bonsoir. T'as vu? Son air mignon est trompeur. Fais attention à toi. Laisse tomber. Tu peux pas comprendre quoi. L'écureuil. T'as un bruit d'écureuil? C'est pas un bruit d'écureuil, c'est un bruit d'écureuil constipé, là. Un bruit d'écureuil possédé. Possédé? De quoi? Qui? L'écureuil? Lui. Je sais pas si... Arrête! C'est ça! Peut-être l'exorciser? Miam, miam, miam, miam! Ah, tu me tues. Miam, miam! Tu sais exorciser, toi? Tu me dis ça à moi? Moi qui suis vous possédé 24 heures par an sur... 24 heures sur 24? Hein? Miam miam miam! J'ai faim! Mais... Ça continue, c'est toi qui vas finir dans mon assiette! Hein? Ah, t'entendais-moi, mon pauvre? J'ai entendu que je devais vous manger. Non, tu n'as pas entendu ça. Mais je sais! Vous êtes des gens... Des pop-corns qui sont déguisés en personne. T'as vu la pointe noire sur la lèvre? Regarde bien. C'est une marque de l'ombre des ténèbres. Il faut l'exorciser. Non, mais c'est bon, j'ai pas mangé de médicaments, c'est pas pour faire n'importe quoi. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Je sais pas, moi, faites-le à deux, moi, j'ai rien à voir là-dedans. Et puis d'abord, il est où, papa fusil? Bah, il est parti chasser un lapin. Mais papa non, fusil... Non, un écureuil. Mais papa fusil, il m'a dit qu'il fallait que je le mange. Qui? Que tu manges papa fusil? Bah oui. Son fusil ou lui? Bah lui. Non, tu l'as mangé et il est toujours vivant. Toujours vivant, sauf son chapeau, sauf son fusil. Bah non, je l'ai mangé. Ou alors c'est son fantôme. Qui parle là? C'est-tu qui parle? Bah c'est lui. Par sa bouche. Bah c'est lui. Ah lui, il a trop mangé de médicaments. Il a les dans la réserve. Il y a un fusil qui sort de sa bouche. Non mais arrête d'allumer des bougies là, on voit assez là. On n'est pas dans le noir. Non mais arrête de faire des trucs bizarres qui sortent des bouches, arrête. Mais quoi, c'est rigolo quand t'as des choses qui sortent des bouches. Bon bref. Des couches. Des couches. Allez, donne le fusil. C'est bon, il est mort. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, le petit. Oh non, mais non, mais pas dans le noir. Attends, je prends son fusil et je lui tire une balle dans la tête. Alors... Tu vas lui tirer une balle dans la tête avec son fusil? Non, non, non, non, non, non, non. non, j'ai pas pris de médicament. T'as dit quoi, là? T'allais tirer sur mon fils? Oula. Mais c'est lui qui t'a mangé. Qui parle? Qui parle? Qui me parle? Je n'entends rien du tout. Non, non, c'est moi, Mickey. Je suis l'homme au fusil. Eh, tu t'es transformé en écureuil. Ah, non, il m'a mangé. C'est triste. Ceci est très triste. Bah pourquoi vous me regardez comme ça? Parce qu'on s'interroge. On se demande si on n'est pas à côté d'un monstre. Mais non, j'ai juste mangé, papa. Voudrais... Moi, je dis... T'as fait raison, c'est un ange démoniaque. T'as raison, c'est mon côté. Le point noir qui est sur sa lèvre, il faut l'effacer. Attends, j'ai une idée. Un couteau! Comme ça, il n'y aura plus de lèvres. C'est... Ou alors, attends. Tu mords pas. Sinon, je te mords après. Oui, il n'y a plus de points. C'est... Non, non, je rigole, je ne fais pas ça. Hein. J'ai trop peur de me faire manger par un écureuil, c'est triste comme fin. Retire-lui le fusil de sa bouche, c'est un peu gênant, non? Ouais, prends le fusil! Non, prends pas le fusil! Le fusil, c'est... C'est papa! Un objet de ténèbres, un objet de lumière noire. C'est pas fusil, c'est papa! C'est papa! T'insigne quoi, là? Papa! Qu'il y a de la malévolence à l'œuvre. De toute manière, je ne peux pas le toucher. Si c'est ce que tu dis est vrai, si c'est un objet fait de lumière noire, mon corps va automatiquement l'absorber. Donc je n'ai pas envie. Donc j'ai pas envie de finir comme un fusil. Ni d'avoir Prends ce ma fusil main. Dans ma tête, il y a assez de monde là-dedans. Prends ma main non. Et répète avec moi. Non, tu le fais avec Zéro, mais pas avec moi. Mais non. Je ne veux pas avoir... Coucou. Je ne veux pas avoir d'intérêt avec ça. Je ne... Moi j'ai droit de le manger fait lui tous les trois. J'ai droit de manger lui. Tu m'énerves. Tu sais ça? Tu m'énerves. Et j'essaie déjà de passer ma main sans me faire manger par ce truc. Sors de mon infini emmuré, du cercle d'étoiles dansantes autour de mon cœur. Sors de ma mer houleuse, de mon sang. De mes flux et reflux, de mon silence naufragé. Sors, j'ai dit, dehors. Hors de mon abîme vivant. Dis-le toi aussi, Zéro. Sors de ce corps, petit fusil. Donc, toi, tu as est-ce que tes phrases... Si je me fais posséder, c'est à cause de vous. Alors, je voudrais être bienveillant. Oui, c'est pour... Pourquoi les slicks? Bah non, ça n'a rien à voir. D'accord. Moi aussi, ça n'a rien à voir. Je veux comprendre... Mes bizarreries, si ça peut. Ok. Non, adieu, je veux comprendre mes bizarreries, je ne comprendrai jamais. Je veux comprendre. Et moi, je serai jamais bienveillant. Nous veulent réellement. Non, ça n'entre pas en œuvre, donc vous avez chacun une phrase que vous pouvez miser. Est-ce que tu mises ta phrase? Bah oui, si ça peut aider, même si je serai jamais. Pourquoi je suis bizarre? Oui, je veux. J'ai peur d'en rêver. Mais pas être bienveillant. La conscience de Leslie et de Zéro de mes cauchemars, et je crains que ce soit l'un d'eux qui habite mon ami. Donc on a chacun un dé. Donc quelqu'un habite quelqu'un. Et c'est qui? C'est toi. En fait, moi, je pense que ce cauchemar l'habite. Oui, mais j'en suis convaincu, donc moi je joue le dé de l'autre camp. Vous jouez le dé de votre camp pour que Zéro échappe à son cauchemar. Donc, tu as le dé vert. Vous êtes sûr que c'est moi qui le lance? Vous êtes sûr? Sérieux? Un sacrifice. Non. À toi, Xavier. Pourquoi c'est moi les méchants? Pourquoi? Non, là, c'est pas okay. Les méchants, c'est... Deux sacrifices. Donc, votre camp l'emporte. Mais vous allez devoir rayer une phrase... Parce que chacun va perdre quelque chose dans l'affaire. Et moi, je n'ai que... Bon, bah... Au revoir. Tu ne vas plus jamais être bienveillant. J'obtiens donc un... Je vais vous faire des pranks. Mais en vrai, c'est pas grave si je sais pas ce qui m'arrive. C'est rien. Le pire, c'est que... Est-ce que j'aimerais ne pas laisser la place à mon double maléfique, tu sais? Le pire, ça serait ça. Et après, ça serait tout le temps elle qui prend le contrôle de moi-même. Moi, j'obtiens une souffrance. Eh ben, j'ai l'âge de faire des... Je vais vous faire souffrir. Et vous avez chacun un sacrifice. Et c'est ce sacrifice qui permet de... Moi, perso, je ne veux rien avoir. Je ne demande rien. Moi qui émettais le doute... Je vais vous souffrir, regarde. Et qui ne l'emporte tout pas. Tout à fait. Enfin, bref. Moi qui aimais le doute et ne l'emporte pas, je n'obtiens qu'une souffrance. Vous obtenez, l'un comme l'autre, un sacrifice. Un sacrifice, du coup. Bah, du coup, c'est ce qu'on a misé. Et vous devez réécrire une nouvelle phrase qui exprime votre souffrance au regard du thème que vous avez sélectionné, la thérapie. Donc, encore, mais non, il est nul. Non, c'est dur ce thème à trouver à chaque fois. Hypnose. Hypnose, thérapie. Je voudrais ne pas... Mais hypnose, je vais te reposer la même question que tout à l'heure. Mais c'est qui? C'est qui? Non, je sais ce que c'est l'hypnose, je connais tout ce test-là. C'est qui la mène? Qui la mène, l'hypnose? Celui que tu voudras, peut-être est-ce le supérieur Marche que tu as rencontré. Peut-être que ce serait si loin de moi. Peut-être que tu vois une jeune fille qui, avec son petit ours, qui s'approche de toi. Laisse-moi tranquille, toi. Et qui te dit, petite sœur, regarde-moi. Non. Regarde-moi, petite sœur. Ah, une fenêtre, un oiseau. Eh, sauve-moi 4, s'il te plaît, 4. Sauve-moi 4, s'il te plaît, s'il te plaît. Vas-y, attaque. Cal, vas-y. Griffe, attaque griffe. Griffe. Tais-toi. Je vais t'égorger. Je sais. Je vais te cramer. Je avec sais. Une bougie. Je sais. Mais je rigole. Mais je le sais très bien. Chut. Vous écrivez votre phrase de sacrifice. Non, vous avez sacrifié une phrase. Pardon. C'est tout ? On n'écrit pas de phrase du coup. Bah, tu me l'avais dit d'écrire une phrase, mais. Toi, t'en écris une. Lui, non. Pourquoi moi ? Mais parce que c'était toi qui étais. Ça me rajoute une vie ou pas ? Ok, bah cool. C'est cool. Moi j'ai plus qu'un PV. Zéro meuf. Ah c'est ça. Et toi t'es en mode. Hé, potion. Ouais je fais. Ah bébé, j'aurais dû acheter des potions. J'aurais dû acheter des potions au market. Je sais pas pourquoi je fais ça. J'ai vraiment un point sur la lèvre. Non, au-dessus, juste au-dessus. Mais. C'est un bouton. Nous sommes en train de. Quel ou il? Est-ce mon père ou est-ce elle? Oh, j'hésite. Mais après, c'est pas un truc très. Pertinent. Mais c'est important pour moi. C'est très important. C'est important mais pas important. C'est important mais pas important. Chut, tais-toi. Et je me tais. Tu t'es tapé à mes oreilles toi-même. Mmh. Ce dont nous sommes certains à l'issue de cette passe, c'est que l'esprit qui habitait, qui nous exhortait à nous emparer du fusil et qui habitait notre ami Zéro, l'a momentanément déserté. Nous sommes enfermés dans le dédale de nos esprits retors. C'est ce dont désormais je suis convaincu. Attends. Je sais même pas quel verset, mais vais-je tenir longtemps? Très long, plus longtemps. Vais-je tenir encore longtemps? Mmh. Ah, ok. Ah oui, c'est bon. Merci. Merci. De rien. Je parlais pas à toi. C'est un retard. Allez, c'est bon, j'ai fini. Bon, la phrase la plus longue de ma vie. Donc, quelle est la question que tu poses à l'issue de cette instance? Qui était possédé? Au final, c'est... Ça se trouve, c'était lui. Ça se trouve, c'était lui. Ça se trouve, c'était moi. Ça se trouve, c'était lui. Bon, c'est logique. C'est lui qui se comportait bizarrement. Alors, non, je vais pas faire ça. Comment est-ce que... Oh, quelle question je vais me poser? Quel est le pouvoir qui a fait sortir ce démon? Comment avait-il assez de place dans sa bouche pour avaler? Non. Je suis une personne. Est-il vraiment le jumeau maléfique de Zéro? C'est ça, ce serait bien, non? Jumeau est-il? Non, jumeau. Jumeau est-il? Allez, cerveau, remets les... Est-il jumeau au maléfique? Est-il un jumeau maléfique? Oui, voilà, jumeau, c'est ça. Au maléfique est-il? Ah, cerveau, vacances, jumeau, nous pensons. Jumeau maléfique est-il? Oui, moi être Yoda. Soda Yoda. Bébé Yoda. Soda Yoda. Et d'ailleurs... Ah, je l'ai. T'inquiète pas, on le regardera un jour. La série est entière. Bon, on se concentre. Pourquoi il y a un flex? Votre réponse étayez-la. Je tiens absolument à savoir. Je tiens absolument à savoir de quel bois il retourne. Comment se fait-il que vous ayez cette conviction si chevillée au corps? Je suis. envie de lui répondre. Dans ma tête trottinent toutes les voix qui m'accompagnent. Ces voix qui turlupinent, qui trottent dans ma tête et celle des autres. De zéro. Je ne suis pas 083. Je suis bouton. Je n'ai qu'un œil. Et je n'ai plus d'horizon. Au dehors, là où devrait être la fenêtre, il n'y a qu'un lierre épais qui bruisse. Grouille de cafards, ceux qui viennent nettoyer toute la masse d'éjection d'aliments qui encombre l'hôpital. Devant moi, il y a ce docteur plein d'humanité, avec sa barbe qui fait des dessins sur ses joues. Son regard gris et sa bouche ronde, qui est plus gentil que ses mots. Et il me dit ses mots, il me pose ses questions. Et je sais pas si la créature que l'on a éconduite, que nous avons cru éconduire avec l'esprit et zéro, est vraiment en zéro. Est-elle vraiment en lui? Il y a comme des blancs dans l'air. La lumière fuit par instant. Et quand la lumière fuit, le docteur, le supérieur, devient étranger. Il n'a plus cette bouche gentille qui dit des mots qui apaisent, qui endorment. Non. Je sais que quand il appuie sur son magnétophone, quand il appuie sur la touche play et record, la séance commence. Il la commente au-dedans de sa tête. C'est pas normal, mais j'entends sa voix. J'entends sa voix qui dit « Maman. » Curieux. Curieux qu'il puisse penser cela, ce môme. Hé, gamin, je sais bien où tu veux en venir. Gamin, tu n'échapperas pas au pouvoir du directeur. Il sait là où vous voulez vous enfuir, mais au dehors il n'y a que le bois. Le bois domine déjà vos petits cœurs. Quatre. 83. Écoute ma voix. Acceptes-tu l'hypnose? Regarde. Oui. Ce bâton. Regarde. Cette brindille, elle s'agite dans la brise qui passe au travers des broussailles. Entends-tu le cri de la mer truie? Ces petits qui approchent, les petits pogrelets. Es-tu l'un de ces pogrelets qui s'est égaré dans le bois? Es-tu l'un d'eux? Est-ce qu'on est des pogrelets? Non, mais tu vas pas le croire. Zéro. Zéro. Oh là là, j'en peux plus. Zéro quoi? D'abord. T'as 13 et zéro. Ah sérieux, t'as zéro? 35. 35. 0,35. Je suis un masque. Tu veux un masque? Tu veux la voir, hein? 0,35, te dit ton supérieur. Zéro. Il se penche 0,35. Vers toi avec son masque qui sent les simples. Hey, tu veux me contaminer? Les simples qui permettent d'échapper. Pauvre, tu vas me contaminer? Son masque en pointe, oh non. Son masque de docteur de la peste. Ah non, bon, on est potes entre nous, donc ça va. Ah 049, il est sorti du loin, lui. Tu vois ses yeux au travers du masque, ses yeux qui sont penchés sur toi. En fait, 035. Oui, mon ami. Je ne suis pas ton ami, mais ton supérieur. Et ta forfanterie n'a pas place ici. Ah bon? Et si je mets mon masque? Chut, tais-toi. Bah, ton masque. Bah non, je veux pas te contaminer quand même. Chut, tais-toi. Allez, vas-y. Veux-tu tâter de l'électrode? Veux-tu une petite séance d'électricité qui part pour ton petit corps qui s'agite de soubresauts? Est-ce cela que tu veux? Du calme, du calme. La séance est passée. Il est un pogrelet, c'est lui dont il parlait dans la séance. C'est de lui dont il parlait dans la séance. Que allons-nous faire? J'en peux plus, j'arrête plus de rigoler. J'en peux plus. 0,35 au pogrelet. 0,34. Non mais c'est quoi ça? 0,34, ma petite. Crui, crui. Tais-toi, toi. Oui, c'est moi. Est-ce bien toi? Oui. Si c'est bien toi, tends-moi ta petite mimine. Ne touche pas. Tu crains la contamination? Oui, laisse-moi tranquille. Qu'y a-t-il au bout de ton doigt si je fais perler le sang? Non, tu n'as pas de sang, dis-tu? Non. Tu n'as pas de sang? Si, mais je n'ai pas du sang. Je sens pourtant quelque chose palpiter sous mon doigt, même au travers de ma main gantée. Je sens osciller là ton pouls qui bat. Tu serais donc fait de chair et de sang? Non, pas de chair et de sang, ce n'est pas la 0,35. Je ne suis pas 0,35. Oui. Alors, qui es-tu? Ni 0,34 d'ailleurs. Tu n'es pas 0,34? Alors, qui es-tu? jeune patiente. Je suis Leslie. Tu es Leslie. Quatrième du nom. Quatrième du nom. Non mais je rigole. Non. Non, je rigole, ça s'appelle de la plaisanterie. Monsieur. Il appuie sur le magnétoband. Arrête l'enregistrement. Non, c'est bon, c'est fini. Relâche ta main. Je peux partir, monsieur. Je peux partir très loin. Et... oui, tu vas bientôt pouvoir partir très loin dans tes rêves. Non, je m'en vais. Pas dans mes rêves, je m'en vais. Mais avant, il te faudra prendre ton médicament. Tu en as besoin. Il est trop fort pour moi. Tu en as besoin. Non, merci, je l'ai dans ma cellule. Non, tu vas le prendre sous mon regard. Il y a des larves. N'importe quoi. Non, je ne mange pas. Tu vas prendre ton médicament sous mon regard attentif. Et au besoin, mes assistants veilleront à ce que tu l'absorbes. Sinon, tu pourras avoir une petite séance de stimulation. Petite lumière, c'est cela qu'il te faut pour aiguiser ton appétit. Non. Alors, prends ton médicament. Non. Comme une grande fille. Non, je suis un enfant, je suis un bébé. Pas du tout. Non. Regarde, j'ai plus le médicament, il a disparu. Pouf, il est plus là. C'est pas juste, monsieur. Il y a deux personnes qui se tiennent de part et d'autre de toi. Vous pouvez me lâcher, monsieur, merci. Messieurs, s'il vous plaît. Tu ne veux pas prendre ton médicament? Tu refuses la thérapie? Pourtant, la thérapie est pour ton bien. On doit prendre ces médicaments. Sinon, c'est le lit à clous. Je préfère dormir sur des clous que manger ça. J'ai rien dit, c'est bon. Non, reviens à médicament. J'ai pas envie de manger tous mes colocataires, c'est tout ce que j'ai pas envie de faire. S'il vous plaît, ayez pitié de moi. Si tu ne veux pas manger tes colocataires, mange ton médicament. C'est justement ce qu'il veut faire en fait. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Cela t'aidera justement à éviter de manger. Ah, je peux pas le faire. D'autres choses. C'est imaginé. Est-ce que tu te sens comment toi? Mais je vais finir comme lui après. Vous voulez vraiment que je finisse comme lui? Comme qui? Lui là. Mais tu es seul ici. Sors de ma tête, toi. Bon, si j'ai déjà des illusions maintenant, allez hop, allez donne. C'est out. C'est pas juste, monsieur, vous êtes méchant. Si j'ai envie de recracher d'abord, non? Vous allez faire quoi? Pourquoi tu m'as attaché au poteau? Pourquoi tu m'as abandonné? Du lit à clous. Quoi? Tu goûteras du lit à clous. Mais apparemment, c'est très confortable. Pourquoi très tu bien. M'as abandonné? Te libérer, t'es attachée, t'es toute sanglée, c'est serré très fort. Oh bah moi je sens rien du tout. C'est normal. C'est pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi vous m'avez attaché? Petit porcelet. Là c'est plus le porcelet et qui parle, c'est aussi. Le pogrelet? Il est où le pogrelet? Où s'est passé le pogrelet? Pourquoi vous m'avez attaché au poteau? Je voudrais retrouver le docteur, mon supérieur à moi, celui qui était gentil avec la bouche rieuse. Je voudrais que ce soit lui qui s'occupe de mes amis aussi. Moi, ça change rien, personnellement, moi je m'en fiche. Dans tous les cas, il nous fera manger des médicaments. Qu'il soit comme ça ou pas. Je parce qu'ils vont dire « S'il te plaît, tu peux manger ton médicament ?» Que je vais le manger volontiers, moi, personnellement. Pourquoi vous m'avez attaché ? Accepterais-tu de le prendre ? Si je t'obtiens un rendez-vous auprès du supérieur qui me suit ? Pourquoi vous avez... Pourquoi vous avez laissé Zéro me corrompre ? Zéro, accepterais-tu de prendre le médicament ? Mais je m'appelle Zip, d'abord ! Zosip, c'est le médicament, monsieur. Accepterais-tu de prendre le médicament si je t'obtenais un rendez-vous auprès du supérieur Marsh? C'est ton qui parle, qui vous fait cette proposition. Comment tu peux avoir le médicament? Et alors? Et je suis attachée, donc vous ne pourrez pas. Et alors? Tu peux même pas me gratter le tu vois. Alors, à ta libération, tu serais suivi par Marsh, si tu le demandes, et je t'obtiendrai le contre-médicament, les psychostimulants de Z. Les psychostimulants? Mais de quoi vous parlez? On est où, là? Les psychostimulants de Z, et vous seriez même pas fracas. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Déjà sur moi là, il y en a pas. Oh, elle est bien la musique. Il me fait rire alors. Aïe, ça fait mal quand je rigole tellement que j'ai serré. Arrête de danser. Elle est copain, même si vous m'avez attaché. J'ai trop bien cette musique. Il faut que vous m'accompagniez. Celle qui fait du médicament, ça me l'a fait. Il faut que vous accompagniez. Mais moi, il vaut mieux que je reste attachée ici, en fait. Quand je viendrai réfléchir, il vaut mieux que je reste ici, ok? Si tu m'accompagnes en pensée, et je serai pas seule dans le couloir tout noir qui mène jusqu'à chez Z. Mais je suis pas une... Je suis pas télépathie. C'est moi qui fais de la télépathie? Non, mais tu commandes à la lumière. Dans les ténèbres, ta lumière intérieure, elle voit. Ouais, mais moi, il faut que je reste attachée ici, j'ai pas le choix. Mais tu m'accompagnes? Je peux pas, si je suis attachée ici. Mais je te détacherai. Bah non, il faut pas que tu me détaches. Je me laisse ici tant que j'ai le médicament, tant que je l'ai pas digéré. Ok? C'est qu'on peut couper. Je veux pas que tu refinisses dans mon estomac, ok? Mais c'est justement pour libérer ton cœur que je fais ça. Mais non, là c'est bien. Ça, je peux pas te faire de mal, c'est bien. Je peux même pas le manger, lui. T'as voulu me manger? Non. Tu m'as attaché et tu m'as abandonné. Pourquoi m'accompagneras-tu jusqu'à chez Z? Et pourquoi je t'accompagnerai? Je vous signale que vous m'avez abandonné. Je ne t'ai pas abandonné. Moi, je suis le bouton. Je suis comme toi, un patient. Si vous m'avez abandonné dans les ruines, sur le poteau. Alors je devrais y aller seul. J'aurai que mes mots à moi pour affronter Z et le convaincre. Sois... Oh Z, lui ! Ah, tu crois que tu voulais aller voir le supérieur ? Non, mais avec les médicaments de Z... Ah, bah si c'est lui, peut-être qu'il pourra me stopper. Allez. Mais avec les médicaments de Z, tu pourras prendre les médicaments du supérieur Marsh. Sans crainte. Et, lui, et toi aussi. Il n'y a aucun adulte, hein. Il n'y a personne. Z, il est dans son ventre, mais c'est au là, fin fond de la cave. Là, maintenant, là, il n'y a personne. On n'est que trois. Et moi, et vous. Le truc sur lequel je suis attachée. Alors, tu me détaches et on fait vite pour aller vers lui. Et comme ça, il pourra me stopper si j'ai envie de boostifier. Ça te va? Je te détache alors. Et on se dépêche. Mais détachez-moi aussi. Mais toi, t'es pas attaché. Et si, je suis attaché. Vous m'avez abandonné. Je suis détaché. Waouh, le magicien. Waouh. Et t'as la clé, toi. Waouh. C'est descendu. Ok, bah c'est bon. Allez, tu sais. Et il y a des cadenas. Oh, mais t'as pas la clé, j'imagine. Bah demande à l'autre, là, celui que tu aimes bien. Laissez-moi faire. Il met sa main sur le cadenas force. Et le cadenas, il explose. Que la force soit avec toi. Non, mais je touche le cadenas. J'aime pas Dawan. C'est pas grave, c'est la même chose. Donc plus qu'un mètre de distance, ça fait la même chose. Et nous avançons dans le couloir. C'est parti, j'espère qu'on va pas retomber sur l'autre qui a voulu me couper le doigt. Enfin, qui a voulu voir si j'avais du sang. C'est logique, non? Celle de Z. Et c'est humain ? C'est humanoïde ? Cela ressemble à un artifice. Un robot ? Un artifice ? Ah, c'est une IA ! Ah, oh, bonjour ! C'est un bah, moi, je reste derrière. C'est un animatronique. Mais papa, il se passe quoi ? C'est un animatronique. Qu'est-ce que c'est que ça ? Toucher, couler, c'est bon. Les copains, rassurez-moi, vous n'allez pas encore me ligoter. Non, non. Toucher, couler. Ah, non, c'est bon, j'arrête. C'est bon, je m'en vais. J'ai rien fait. Toucher, couler. Non, non, non, j'ai rien dit. Donc, nous sommes là. Et que fait-on? Il n'y a pas de porte. Non, on trace notre route. On retourne en arrière. On rebrouche chemin. Non, non, non, on ne peut pas abandonner jusqu'ici, surtout que je risque de manger Zed quelqu'un. Zed se trouve derrière. Oh, j'imagine que le robot, c'est le pile noir. Alors, où sont les piles? Allez, on retire les piles et c'est bon, c'est fini. Ah non, non, j'ai dit je veux pas de problème, donc c'est pas moi qui le fais. Est-ce que ce glisse? On trouve, il nous a pas vu. Je dis ça, c'est rien, je dis. Est-ce que nous serions assez discrets pour lui échapper? Je pense que moi, la discrétion, ça fait qu'une personne, ça s'y voit. Alors tu te glisses sans faire de bruit jusqu'à Z? Non, non, non, c'est toi qui voulais le voir, t'as pas. Est-ce que tu peux aller en émissaire auprès de Z? Vous voulez encore m'abandonner? Non, non, on te rejoint là-bas, promis. On te rejoint. Il faut juste que tu passes entre les jambes du robot sans éveiller son attention. Quel en écureuil, tu sais. Tu te rappelles le l'autre? Un écureuil qui bondit de branche en branche. Mais de quel écureuil? Ah oui, oui, t'as oublié, toi. Quel en écureuil, tu t'en fiches, c'est vrai. Ne bougez pas. Je vais passer tel un ange. Mais il va te attendre. Si tu trouves, tu as perdu une plume, il va atterrir sur sa tête et il va tout voir. Non, je veux pas lui dire ça. Il va perdre une plume. Non. C'est toi qui vas prendre. Donc toi, tu as trois phrases. Ouais, je vois dans l'avenir, moi. Il faut que je fasse donc, ce médium. Je vais perdre une plume et il va me tirer dessus parce que je passe au-dessus de lui et il va cramer mes ailes. Si en revanche je suis aussi léger clair et de mon œil torve je le surveille telle une tour de contrôle. Tu es aussi léger clair. Tu es la tour de contrôle. Tu es le corbeau. Moi aussi j'ai trois. Hop. J'obtiens. Eh ben le corbeau il va perdre ses ailes. Hein. Deux souffrances. Trois souffrances. Si on lui donne des idées, il va tous nous faire crever. Mais il l'a dit. Il l'a dit, ses ailes vont cramer. Il l'a dit lui-même. Moi, j'ai même pas eu besoin de prédire l'avenir, tu vois. Ouais, t'as dit, il faut perdre une plume. C'était sûr, c'est sûr. Tu n'obtiens... tu obtiens sacrifice. Ah, yes. C'est donc toi qui l'emporte. Mais j'ai même pas... Et le sacrifice, comme il n'y en a qu'un... Qui je joue, là ? Bah, tu joues... l'adversité. L'adversité. Bon, je gagne, je suis l'adversité. Toujours moi, l'adversité. Et donc... alors, je m'envole. Non, adieu. Non, ne meurs pas, par contre. Le robot se tourne. Non. Et dans le froissement d'ailes qui passe au-dessus de ses senseurs, il sent la présence d'une créature qu'il doit chasser. Non. Et de son bras armé, fuse... un jet de flamme qui vient lécher mes ailes et je tombe en proie aux flammes au sein du bosquet. Je suis perdu dans le bois. Je suis perdu dans le bois et vous êtes avec moi. Nous sommes perdus dans le bois. Comment allons-nous nous échapper ? Autour de nous, les flammes rongent les arbres. Vous allez encore m'abandonner. L'incendie ronfle tout autour. Il n'y a que des arbres calcinés qui rougeoient. J'ai rien dit, c'est lui qui prédit l'avenir. Au travers des flammes, on voit... Ah oui, toi, t'as plus d'elle, toi. Des silhouettes sombres. Ah non. Qui nous chasse. Les pogrelets sont là. Échapperons-nous aux chasseurs? Arrête de faire du bruit. Arrête de faire du bruit, toi. Et allez, tu te calmes. Et donc, pour échapper, il faut soit que nous sortions celui-là, soit que nous sortions celui-ci. Et les chasseurs sont là et là et je fais le mouvement des chasseurs. Il manque un dé de cuivre là. Deux bon. Et quatre, six et trois, neuf. On va mourir. Nous encerclent et le seul passage. Il faut le trouver, lui. Le seul passage entre les flammes qui n'est pas encore livré aux flammes. Non, il s'est fait reculer. C'est une mare boueuse et fangeuse où les flammes ne sont pas parvenues à progresser. Elles n'ont pas fait jonction. Et dans la mare, comme des hérons improbables, les silhouettes de nos chasseurs s'approchent et semblent fermer la seule issue qui nous soit offerte dans la nasse enflammée dans laquelle nous sommes. Et derrière nous ricane un docteur peste. Ah, encore lui, mais arrête, allez, pourquoi tu rigoles, toi? Qui ricane à gorge déployée sur ses grandes échasses. Patate. Et nous poursuit dans la fange et la boue. Oh Dieu. Et nos cornes de bouc me poussent, je fonce dans ses échasses. Elles sont plutôt hautes ou pas? Je fonce dans ses échasses pour le faire chuter dans les flammes. Tu veux affronter la créature? De toute façon, on m'a déjà abandonné, je suis déjà mort, j'ai plus rien à perdre. Mais si t'es là avec tes mains, tu n'es pas mort. Tu veux pas savoir. Grâce, on t'a réanimé pendant notre séance. Non, parce que je suis un esprit. C'est la logique de mon foyer. y a des Orla, etc. Et moi, je suis un seul Orla. Et donc, tu veux l'affronter tête bêche contre moi, toi. Attends, moi, je t'aide. La route d'horreur. Et comment tu vas l'aider? C'est la route d'horreur. Je sais pas. Moi, est-ce que je suis résistante aux flammes? Je ne pense pas. Est-ce que je suis résistante? Il a l'air de se jouer des flammes. Lui, il s'en fiche, lui. Elle semble danser autour de lui, épouser ses bras qui figurent comme des ailes d'un immense corbeau qui viendrait fondre sur toi. Non ! Son bec grand ouvert pour... Mange-moi, tu mourras ! ...te manger. J'éclate, s'il me mange. Telle un creeper. Donc toi, tu veux le faire tomber dans la boue et le... Oui, et si moi, j'explose. Le piétiner, puisque tu es un bélier pogrelet. Un chimère entre un pogrelet, un petit cochon Orla et... Un bélier et si on me mange, j'explose. Alors, 7, 4, 6... Non, t'as combien de... T'as combien de phrases? J'en ai une. Ok. Tu l'aides comment, toi? 10. Je sais pas, moi. Mais moi, je sais pas. Moi, je dis, je ne veux pas de... Ah ouais, tu m'abandonnes encore une fois. Mais tu crois que je vais aller avec toi? Ouais, on va se faire un dîner dans sa bouche, yes. Non, allez. Mais t'inquiète, je le fais péter. On s'est peut-être fait fiesta. La force... Mais ça se trouve, on a besoin de lui pour sortir d'ici. Qu'est-ce que tu dis? Les flammes... de désespoir qui nous ronge vont le ronger de l'intérieur. Nous sommes enfermés dans le dédale de nos esprits. Coucou. On va se réveiller. Je vais envahir les esprits de mes amis. Qui? Lui? Toi? Et moi, c'est tout ce que je mets à ton service. Laisse-moi tranquille. Donc j'en ai 3. Laisse-moi tranquille, 1 mètre de distance. Tu oh mon dieu! Et je suis allergique à l'hypnose. Ah, tu veux me contaminer? Et j'ajoute 3 souffrances. Non, mais t'es qui toi? 3 souffrances en face. Donc, on a dit qu'il allait. Il allait nous dévorer. Oui, mais il faut trouver lui. Il faut trouver lui. Il va nous aider, il va faire super mal. Alors, vas-y, explique-nous ça. Oui, je sais. Ah non, toi, tu penses que c'est lui qui est la solution. Moi, j'ai dit cela, mais peut-être qu'on peut revenir en arrière, revisitation. Attends, qu'est-ce qui a mal tourné, d'où? Revisitation. Oh, regarde, là, il y a un slide. Donc, toi, tu te jettes en tant que bélier, ok. T'as un dé, et donc... Le risque, c'est qu'il te dévore. Mais j'explose. Mais qu'est-ce qui te dit que tu vas réellement exploser? Ça se trouve, t'es en panne. Je suis en panne. Non, et ta volonté première, c'est de le faire chuter, de le piétiner. Donc, oui. Donc, tu as un dé. Moi, ce que je supposais, c'est que... je te prêtais toute la force que je viens de citer, mais j'ai apporté que la souffrance... Donc vas-y. C'est aussi ma force de. Et toi, que penses-tu de notre ami le supérieur? À qui ressent-il? Qui est derrière le masque du supérieur, d'après toi? Je sais pas, moi. Ne serait-ce pas Joey? Tonton. Allez, je te rejoins. Allez, on y va. Serait-ce Joey? C'est papa! Ça se trouve, non, ça se trouve. Un, mais arrête, c'est deux, mon papa! Trois. Non, mais c'est aussi mon papa! Mais arrête de voler mon papa! Donc toi, t'as fait 1, c'est ça? De toute manière, c'est pas mon vrai papa. Non, j'avais fait 10! T'avais fait 10? D'abord, c'est pas alors, mon c'est vrai trois, papa. On a que 4 souffrances. Et toi, tu as 3 DHT. Pour Joey, le docteur Pest. Il a changé de prophétie. Au lieu de créer et la vie, il la détruit. Et tu obtiens que 3 souffrances. Donc oh, nous avons 4 souffrances. Oui, mais nous, on a 4 souffrances contre 3. Donc, c'est toi qui l'emportes. Tu le piétines. Tu nous racontes comment tu le piétines. Mais... Tu je fonce dans ses échasses et ses échasses se brisent. Quand il est au sol, je retire son masque, je le jette dans les flammes et je le tape, mais une flamme vient à me projeter. Enfin, le souffle du brasier nous brûle, moi et le corbeau. Enfin, le corbeau de peste, le corbeau de pestilence. Oui, bah... celui qui amène l'emprise. Et dans un cri de cochon rôti, dans un cri de cochon rôti. Quelle est la question qui clôture ton enfance? Et où est passé Zéro? Il me tue, tel un cochon rôti. Mais où est passé Zéro? Non, qui a allumé ce feu? Qui a allumé ce brasier? Qui a allumé ce brasier? Johnny Hallyday. Allumé! Non, c'est Alexane qui va tirer. Oh, tu tires ces 3D là, s'il allumez te plaît. Le d'accord. Feu, c'est le déplacement feu. De l'adversité sur le jeu d'our. Donc, papa, tu as combien? J'ai 3, 4, 6. 6. Oui, 6. Oui, donc 3, là, tu te déplaces avec. Donc lui, il va dans ce sens là. L'autre dans lui, il va dans son frère. Il va dans... Là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Et donc, Xavier, tu déplaces nous. Donc, tu peux pas faire allez, celui-là. Allez, je vous déplace. Tu peux pas... ah si, tu peux le faire reculer. 2, 12. Non, il n'y a pas de 12. Il n'y a pas 12 deux, passes. 2, 3. Donc, 2, bah 5. Bah non, 4 et 3, ça fait 7. Ah, c'est 4. J'avais cru que c'était 3. Alors, 2 et 2, ça fait 4. Non, c'est 4. 2 et 2. Ah non, 6. C'est 1. Ah, 1. T'as 2. 2 fois 6. 1, c'est ça, ça fait 6. Oui. Donc, 6. T'as 6. Ok. Oui. Tu peux reculer de 6 ou avancer l'autre de 6. Si tu avances celui-ci de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu manges. Ouais, je fais ça. Mais pourquoi c'est que pas dans l'autre sens, moi? Ah, enfin, dans je l'autre me sens, ça a marché. Donc, ils sont tous les deux morts. Ouais. Bon bah qui veut du cochon rôti? Toi tu t'intéresses qu'à ça. Qu'à la nourriture moi. C'est à ton tour. Surtout que moi j'ai toujours faim. C'est ton instance et tu réponds à la question que vient de nous poser. C'est quoi déjà? Zéro. Où est passé Zéro? Non. C'est non. Qui a allumé ce brasier? Ah, qui a allumé, qui a allumé le brasier? Idée. Allumé le feu. C'est l'autre, c'est le robot, c'est sûr. Logiquement c'est le robot, mais ça pourrait être une autre personne. Donc c'est ton instance, on peut la jouer en décalé, ça peut être bien plus tard, bien avant, peu importe. Mais tu vas dire qui a allumé le brasier. Qui a saboté? Je vote pour lui. Je vote pour lui là, lui c'est l'imposteur. No, Square. No, don't touch me there. J'essaie que je chante cette chanson. Il faut que je réponde à la question. Mais tu peux jouer à un autre moment, en vertige logique, avant, après, comme tu veux. Mais tiens, une bougie espionne. Ah, je sais, pendant que je me faisais attacher. Derrière le bus. Où tu espionnerais le supérieur. Je veux des infos, si tu veux. D'accord. J'aimerais avoir des infos. Mmh. Ça me semble cohérent, vas-y. Vas-y, nous t'écoutons. Je l'espionne. Nous t'écoutons. Tu veux que... Je vais me faire tabasser et je le sens. Il va me donner un coup de pied. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Mange mes bottes. Oh, t'es trop mignon. Mange mes bottes. Trop bizarre. Boîte Ivor. Oh, t'es trop mignon, toi. Mange mes bottes. Tiens, un coup de pied. Tiens. Trop mignon. Là, je fais... Niam. Bon, bref. Ouais, on se calme. Ouais, c'est un même canon. Il a disparu le canon. Oh non. Mais ça pourrait la photo, ça pourrait faire l'homme qui crache le canon. De quoi? Le fusil. Ah. Ah. Ah. Eh, ou Mais du coup, t'as été 0,35? Oh mon dieu, tu l'es toujours d'ailleurs. Bah non, j'ai brûlé. Ah oui, t'es mort. Ah bah il va être reconfiné. Bah non, puisqu'il a brûlé. Bah non, c'est mort qu'il est indestructible, tu savais pas? Là, il est comme ça, blasé. Oh, je suis dégoûtée. Prise de médicaments. Non, mais non, je suis pas mort. Non, mais il a. Ah, 36. Je parie qu'il se demande qu'est-ce que fait un cochon avec lui. On fait dans l'ordre. Ah, dis, tu le mets là. Par contre, il a, 0,35, il a dû être. Pas si. Si content que ça. Bah, il était dégoûté, il avait trouvé enfin le corps. Non, il avait pas trouvé le corps, donc c'était un cochon. Non, il peut pas prendre la position des animaux. Bon, bref, sinon, parlons. C'est sur le chien. Il a une tête carrée, une tête cubique. Bon. Après, il avoir pris mon médicament habituel dans mon petit lit. Tu es dans ton lit? Je suis dans la cellule, les œufs qui sont partis manger à la cantine. Vous êtes partis manger à la cantine et j'allais en profiter pour faire mes affaires. D'accord. J'étais dans la cellule et c'était l'heure des médicaments. J'attendais mon tour. Tu attendais donc dans le couloir, devant la porte. La porte du supérieur. Parce que je savais que j'avais pas le droit. Je savais que j'avais pas le choix. Donc. Et tu es assise sur quoi? Est-ce un banc? Un tabouret? Un tabouret, je crois. Un mélange des deux. Un tabon. Un tabon? Un tabon. Un tabon qui n'est qu'une souche. Oula. Une souche toute moussue et pleine de champignons comme des langues de vieilles mêlées. La drogue. Alors, un médicament de Z, oui. Des champignons qui poussent en lamelles aussi dures que du bois. Médicament de Z. Et à tes pieds sur le sol comme des gouttes d'eau. Mais ce sont de petits champignons blancs qui t'indiquent le chemin vers l'antre où réside le supérieur. Ah bah je mange pas tout de suite, allez on y va. Attends, je vais l'espionner, t'as l'air un espion. Je te tiens à la porte, c'est cela? Oui, j'essaie d'écouter mais je sais pas si j'en prends quelque chose ou pas. Qu'est-ce qui te ferait, qui t'empêcherait d'entendre? Je sais pas si j'entends ou pas. Parce que les gens qui te parlent à l'oreille comme ça. Ah, mais arrêtez, oh, c'est bon. Copine. Eh, j'ai pas un petit bol. Non, mais... Toi, tu fais un petit boutique. C'est pas sympa de se moquer des gens, hein. Eh, hey, copine! Je n'ai même pas besoin. Copine, tu me donnes des médocs de Z? Non, j'ai pas le temps. Donne-moi un des médocs de Z ou alors moi je dis que t'écoutes aux portes. Ça s'appelle du chantage, Peut-être, mais. C'est efficace! Tu te moques? Non! Tu te moques de moi? Ah, non, toi aussi. Je se moque pas de toi. Ok, vas-y, marche ton petit moment, laisse-moi tranquille. Tais-toi, au pied, couché, sur ton panier. Bon, c'est bon, je peux écouter au port tranquille. Pourquoi il m'a entendu? Oh, damn. Et qu'est-ce qu'il y a derrière le bosquet? Ça se trouve, il n'est pas là avec un peu de chance. Et ça se trouve, il est juste derrière moi. Non, ça va, il n'est pas là. Il y a des broussailles tout autour qui forment comme un enclos naturel, une clairière. C'est pas l'air de stresser. Même si t'as mangé ton médicament comme tout le monde. Une effraie au plafond sous la lune. presque nuit. Quelques bougies qui éclairent. Je toque ou pas? Je toque. Peine à dissiper la ténèbre qui se forme. Ok, je toque. Non, je toque pas. Il y a toute l'eau accumulée sur les feuilles qui ruissellent depuis les arbres. Il est pas là, je vais rentrer dans son bureau et cliquer quelques feuilles. Tu es déjà dans son bureau. Ah bon? J'étais pas au courant. Ah, j'ai même pas toqué, c'est quoi cette impolitesse? La porte elle est toujours fermée. J'ai pas traversé le mur. Y a-t-il une porte? Il m'a piégé. Y a-t-il une porte? Attends, toc toc toc, peut-être que le mur c'est une toque. C'est une toque, une porte. Toc toc, tic toc toc toc. Sur le trou. Et toi le porcelain. Attends, mais il est là où? Et quand tu tic toc sur le tronc, tu sens. Oh, laisse-moi prendre mon pou. Le pou du être qui bat sous ton doigt. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ce pou qui enfle. Et tu es dans la clairière maintenant. Et que vois-tu dans la clairière éclairée par le cercle consacré des bougies? Je sais pas. C'est un cercle satanique, oh mon dieu, faut que je m'éloigne. Sinon je vais encore me faire posséder. Quelqu'un avec un sweat et des ailes. Ah si. Je vais m'en aller d'ici, bonne nuit. À côté d'un poteau. Je sais pas ce qui m'intéresse. Allez, bonne nuit. C'est pas la bonne chaîne télé. Tu as l'habitude de suivre les programmes dans la salle de détente. Bon bah je vais essayer de retrouver là. As-tu l'habitude de suivre les programmes dans la salle de détente? Non. C'est pour ça que je suis stressée d'ailleurs. J'ai jamais voulu. Parce que alors qu'il fait une chaleur. Le ventre d'un facochère. Oh, est-ce que j'ai un deuxième médicament? Ou alors j'ai... Oh non. Oh non. Le sol a l'air fait de mousse de sphène, mais qui semble onduler sous tes pas. Un médicament, s'il vous plaît. Élastique. La nuit, est-ce de la nuit ou est-ce qu'on devine des lueurs au travers des interstices entre les arbres? Attends, qu'est-ce qui me rassure? Qu'est-ce qui fait cet homme aux ailes blanches dont tu parlais? C'est moi. C'est toi? Oui, c'est moi, Tchoupi. Que t'arrive-t-il, Tchoupi? Oh là là. Il y a un gros taxi. Mais non, ça c'est oui ça. Ah vas-y. La maîtresse elle ferait pas. Ça se trouve il m'a injecté quelque chose dans mon dos et je vois des trucs qui n'existent pas. Allez, je vois des gens qui sont morts. Sa tête se retourne totalement. Ah, je vais prendre un. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Tu vois que c'est celui que tu avais attaché au poteau? Prends un Red Bull. Red Bull donne des ailes. Ah mince, t'en as déjà. Ah mince. Il a un sourire forcé. Ok. Ah non, c'est un bouton ça. Ah, je me suis trompée de poche. Tu vois qu'il est maintenant devant toi. Ah, c'est comme ça. Maintenant, il est beaucoup plus proche de toi. Et je recule. C'est... Je fais des moonwalk tout en le regardant. Pourquoi tu m'as abandonné? Tu m'as laissé à l'ogre? Non. Tu dois être... Il n'y a pas d'ogre dans la forêt. Voilà, c'est qui parle là? Ah, mon dieu. Les gros chênes centenaires qui sont juste derrière toi. Mais c'est de l'hallucination. Eh vas-y. Mais tu vois qu'il fait du Wonderwall, qu'il a la tête retournée. Sur lequel tu avais posé la main et tu sens le tronc osciller à l'unisson des, de la voix. Qui, toi? Hé, hey, t'es qui, toi? Wesh, t'es qui? Non, mais t'es qui, toi? À moitié. Pourtant, ce n'est pas faux de me résigner. Toi, vous pouvez lui dire d'arrêter, s'il vous plaît. Ça sera... Que doit-il arrêter? De faire ce qu'il fait, là, de me regarder, de me pointer la main comme... Tu vas être abandonné à tout ça. C'est un ange pleureur. Ah, il faut le regarder. Ne le quitte pas des yeux. Et il faut reculer en même temps. J'ai dans l'entraînement. Eh non, moi j'ai pas cligné. Non, j'ai cligné que d'un œil, tricheur, va. Ah là, j'ai cligné des deux, j'avoue, là. Et là, tu vois, tu sens quelque chose sur ta main. Ah, je vais reculer. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Enfin, t'as réussi à bouger vu qu'il te tient la main. Mes racines m'interdisent de quitter la clairière sacrée. Ouais, mais vous pouvez le retenir, là. Car je suis... Je vais pleurer. Le... Je vais reculer. Il a la bouche ouverte, ça veut dire qu'il va me, craquer la nuque. Tu vas faire quoi? Il te tient la main, en fait, hein, tu peux plus bouger. Ah, mais lâche-moi la main, espèce de fou. Et la statue se brise en mille morceaux. C'est toi qui as fait ça? Dis-moi tout. Dis-moi que tu vas pas te transformer en un truc bizarre. Genre l'huile. Tu sais, il va faire pouf. En fait, c'était mortel. Pourquoi tu me parles plus? Mais non, il était fou, toi. Mais je suis pas un oiseau. L'une de ses branches frissonne et... Mais je suis pas un oiseau. Une bob tombe. Salut, c'est quoi, Tchoupi? Une bombe tombe au sol. Il y a Tchoupi. Ouais, tu vois quoi? J'ai brûlé du Nutella. Vas-y, non mais je suis pas grénivore, je suis carnivore. Leslie, t'es parmi nous? Leslie, bon, tu manges ton médicament? Leslie, bon, tu manges ton médicament? Juste à ma bouche, toi. Hey, mange ma pote. Mais bon, tu manges ton médicament, là? Si tu manges la bob, écoute l'appel de la forêt. Je n'entends pas. Tu te bouches les oreilles? Quoi? Non, non, moi je me bouche les oreilles quand je dis ça. Je n'entends pas, je suis sourde. Je suis sourde. Lui est aussi. Quoi, je t'entends, hein? Je suis sourd, muet aussi. Je n'ai plus de sol. Tu es un arbre volant. C'est le bouton qui tient la main. Lâche-moi. Je n'ai plus de sol. Lâche-moi. Mange. Non. C'est le médicament de Z. Ça t'évitera de prendre celui du directeur. Mais pourquoi t'es là? Pourquoi tu m'as espionné? Je remarque que sur ta main, il y a des bouts de pierre. Tu as attaché au lit à clous. Ah, purée, il m'a eu. À tous les coups, il m'a fait prendre une drogue, il m'a eu par derrière. Après, il m'a attaché au lit. Ah, j'ai raté mon plan. Bon, ça. Ça te permettra de tenir le temps. Tu seras retenu sur le lit. Et une question juste avant. Est-ce que tu sais comment je me suis retrouvée ici? par hasard. Bah, le jour 32 ou 35, je sais plus quel nom t'as tiré, eh ben, le docteur, le supérieur, il t'a fait prendre tes médicaments de force. Eh ben, je m'en souviens. Et il t'a mis sur le lit à clous. Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens de ce jour-là. T'as une lune de lit à clous. Ah bah en fait c'est pas si mauvais que ça, hein. ça facilite la circulation sanguine, tu sais. Et tu m'as oublié sur le poteau. Il y a personne, mais vous entendez une voix. Si tu prends le médicament, qu'adviendra-t-il de toi si tu prends ce que te tend, bouton. Mais ça se trouve c'est un piège. C'est un gland. Mais non, mais je suis pas... C'est un gland mais qui semble comme élastique. Mais non, t'es fou, toi. Qui... Sous ses doigts... C'est un chamallow. Oui, c'est un peu élastique comme un bonbon en gélatine. J'aime pas les bonbons, moi. Tu veux faire quoi? C'est un bonbon en gélatine de pogrelet. J'aime bien les glaces. Prends-le, c'est du pogrelet. Croque-le. Pourquoi vous m'avez fait brûler? Non, pas des bonbons, non, c'est une torture. Tu vois... Non, ça se trouve, toi, t'es... Bouton... Qui, Pourquoi tu pries? S'agenouille. Pourquoi tu pries? Grand hiérophant de l'hôpital, donnez-nous notre offrande pour que nous puissions résister à l'appel du bois. Tu pries qui, là? Et devant lui se tient une créature à la peau squameuse. Des écailles gris-vert qui luisent dans la pénombre de la caverne. Ce n'est plus l'hôpital, c'est une grotte au-dedans de l'hôpital dans les tréfonds. La drogue. Et ces deux aigrettes s'agitent. Au bout des aigrettes, lui, une petite lueur, une vague étincelle qui circule entre les deux. Non, c'est une torture. Une main griffue. Non, je ne vais pas manger ton bonbon, Daloïs. Je ne vais pas manger ton bonbon, si tu crois que ça. Et je suis pas une marionnette, vous n'allez pas me faire avaler tout ce que je veux. Je suis un caillou. Lui, il a pris ce bonbon et il l'a fini comme ça. Hey, c'est combien de doigts? Mais tu vois un caillou sauter, hein. Une main griffue dépose non. Dans la main de bouton. Ah, ok, c'est un gland tout élastique. Oh, c'est bizarre. Une main griffue dépose dans la main tendue de zéro Timmy. Elle dépose dans la main d'une petite fille qui tient un nounours, un petit... Ah, une chouette. Ah, c'est chouette. Je crois même pas que c'est une chouette. Et tu vois tes deux amis qui mastiquent. C'est bon, le pogrelet. T'en as d'autres, dit Zed. Non, je n'essayais pas de me jouer. Mais je mange mon frère. Tiens, petite fille. Mais arrête, non, je vais pas manger 36 000 bonbons. Et je mange pas des bonbons, j'ai dit. Je n'aurai pas. Ça se trouve, vous êtes costumés, vous tous, là. Vous êtes des imposteurs. Non. Tiens, petite fille. Non. Tu ne seras pas en reste. Non. Zed, tu peux avoir des gélatines. Cela te protégera. Tiens, prends-en tout ton sou, cela te protégera de l'appel du vieux chef, le directeur du conclave. Non, mais c'est bon, je vais faire une overdose, là. Merci. Non, mais quel bonbon j'ai dans la bouche? Pas du tout. Lequel? Je ne vois pas. De quoi vous parlez? Qu'adviendra-t-il maintenant que tu manges le bonbon? Non, c'est fou, je n'ai pas mangé de bonbon, quel bonbon? Oh non, il a apparu dans ma bouche! Oh! J'ai volé ta question. Mais te convient-elle? Oui. C'est ainsi que nous concluons cette session. Oui. C'est quoi ça? C'est du squelette? Ah ouais. Pauvre cochon qui s'est fait cramer, qui s'est fait transformer en gélule. Ok. Bah si vous avez rien à ajouter, je vais couper le... J'ai un effet sur le cerveau.